Voici la famille de mon père. Mon grand-père Simon et ma grand-mère Catherine. Il y a aussi le frère de mon père. C'est mon oncle. Il s'appelle Léon. Mon oncle n'est pas marié. Il est célibataire.